Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la bataille de Dunkerque. D'ailleurs, j'ai jamais compris comment les Allemands et pourquoi les Allemands n'avaient pas bombardé davantage les gens qui étaient sur les plages. Il a été évident après coup qu'à cette époque-là, Hitler croyait encore à la possibilité d'une paix séparée avec l'Angleterre et qu'il a raté, en somme, cette occasion de faire périr des centaines de milliers de gens. Pierre Daninos était agent de liaison pour l'armée britannique durant la Deuxième Guerre mondiale. Si les Allemands n'ont pas bombardé la plage de Dunkerque en 1940, c'est qu'Hitler était convaincu, selon lui, que les Anglais renonceraient à combattre l'Allemagne nazie pour sauver les centaines de milliers d'hommes de Britanniques qui étaient pris en étau à ce moment-là à Dunkerque. Cette hypothèse qu'avance Pierre Daninos à l'émission Propos et confidences en 1984 nous mène à une deuxième grande question. Pourquoi Hitler stoppe-t-il les troupes allemandes alors qu'elles avancent à grands pas et très rapidement vers la Manche? Elles ne sont plus en fait qu'à 25 km de Dunkerque au moment du début de l'opération Dynamo. Un appel a été lancé. On doit aller à Dunkerque. Parez à larguer les amarres. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte où on va? On met le cap sur la guerre. Vous serez utile, monsieur. C'est un des nôtres! Il m'aligne! Je l'aligne. Le navire va s'en aller! Allez, on descend! Ils envoient d'autres vaisseaux. Chaque heure qui passe, l'ennemi gagne du terrain. Ils ont réquisitionné les bateaux civils. Les bateaux civils? Il nous faut des destroyers. Où est-ce qu'on va? À Dunkerque. Extrait de la bande-annonce de Dunkerque, le récent film de Christopher Nolan réalisé en 2017 pour nous raconter l'histoire de cette bataille, de l'opération Dynamo aussi. C'est la même chose, au fond, la bataille de Dunkerque, l'opération Dynamo. Cette histoire que le film, d'ailleurs, de Nolan remet un peu au goût du jour. Mon invité, Caroline Damour, chercheuse postdoctorale en histoire militaire canadienne à l'Université de Boston. Caroline Damour, bonjour. Bonjour. Quelle place occupe cette bataille-là, la bataille de Dunkerque, dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale? De quelle manière, surtout, c'est significatif et particulier comme bataille? Bien, c'est particulier dans le sens que c'est une bataille que, on va en parler plus tard, mais c'est un retrait. Oui. Mais surtout, il faut savoir que pour la Grande-Bretagne, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie. Parce que si on laisse toutes nos troupes de l'armée là-bas, qu'est-ce qui nous reste? C'est une aviation et la marine. Et c'est pas suffisant pour gagner une guerre. Oui. Donc, on a besoin de ces hommes-là pour poursuivre le combat et ça va être un moment fort de la Deuxième Guerre. Parce qu'on va pouvoir préserver cette armée britannique en la ramenant dans la mère patrie. C'est aussi une opération, dans cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale, une des plus spectaculaires, des plus grandes opérations de la guerre. Tout à fait, tout à fait. Sur une courte période. Aussi, on est à un moment où on ne s'attendait pas à ça du tout, du tout. C'est que les Allemands aient réussi à traverser et à mettre à dos les Britanniques. On n'aurait pas cru ça au début de la guerre. Donc, c'est un moment spectaculaire parce qu'on réussit à survivre en tant que nation pour la Grande-Bretagne. Et en mobilisant, évidemment, la marine, l'armada, il y a plein de petites embarcations privées qui vont... Tout le monde va mettre l'épaule à la roue. Vous l'avez un peu évoqué, c'est cette poussée allemande, mais comment on se retrouve dans cette situation assez folle où des centaines de milliers d'hommes sont coincés là à Dunkerque? Il y a l'armée allemande qui avance vers eux et la mer derrière eux. Comment on se retrouve devant cette situation-là, Caroline Damour? Bien, c'est quelque chose qui est incroyable à l'époque parce qu'il faut se remettre dans le contexte où notre expérience est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est une guerre où on bouge de quelques mètres pendant des mois. Donc là, c'est une surprise totale. C'est qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est au mois de mai, le 10, l'Allemagne attaque finalement les Pays-Bas, la Belgique et le nord de la France. Finalement, parce que jusque-là, oui, ça faisait 9 mois. C'est cette fameuse drôle de guerre où rien se passe, ou à peu près. Exactement. En fait, c'est pratiquement ça. Il se passe rien. On est à l'est, on a la ligne Maginot et on attend qu'il se passe quelque chose. Mais on veut pas faire les premiers pas. Et l'Allemagne décide qu'eux, ils vont faire les premiers pas. Mais c'est un coup d'attrape parce qu'on fait une espèce de coup de fossé vers le nord pour attirer les troupes britanniques et françaises. Et on va plutôt percer directement au centre dès le 15 mai. Donc, 5 jours à peine que ça prend pour percer le front français à la ligne cédant sur la Meuse. Et c'est là que ça va avoir un impact majeur. Et on va avancer avec les blindés, avec une nouvelle façon de faire la guerre. Et ça va très, très, très vite. Ça va extrêmement vite. L'armée française, entre autres, parce qu'à l'Est, c'est elle qui est plus présente, l'armée française est complètement désorganisée. Le système de communication est complètement défait. On ne reconnaît pas la guerre. Donc, c'est une surprise, c'est un choc pour tous, pas juste pour les Français, mais pour les Britanniques aussi. Donc, qu'est-ce que les Allemands, eux, essaient de faire? C'est qu'ils ont réussi à tirer les Français et les Anglais vers le haut. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va passer vers le bas et on va essayer de les entourer. Et c'est ce qu'on réussit à faire. Le 20 mai, on a déjà parcouru 300 kilomètres et on arrive vers Abbeville, qui est très près de la Manche. Le « on », dans ce cas-là, bien sûr, vous décrivez ça comme Allemands, si vous étiez une Allemande. Pardon, oui. Donc, évidemment, c'est catastrophique. Il y a 300-400 000 hommes qui sont pris à Dunkerque, des forces alliées. Oui. On doit réagir. Arrive un moment où on décide de se lancer dans... Encore une fois, c'est extraordinaire. On ne fait pas la guerre comme ça. On ne planifie pas des opérations d'évacuation. C'est pas comme ça qu'on gagne des guerres. Quand et pourquoi on décide on pense à cette idée de l'opération Dynamo? La première chose, c'est le 21 mai, les Britanniques essaient, avec la ligne que justement les Allemands ont réussi à percer, on essaie de faire une contre-attaque. On se rend compte que c'est plus difficile qu'on pense et tranquillement, on voit que ça serait peut-être une bonne idée de commencer à rembarquer des personnes vers l'Angleterre. Donc, le début de l'opération Dynamo, la décision va être prise dans le coin du 24 mai. Ça va être de dire, bon, ben on va essayer de reprendre 45 000 de nos hommes pour les rembarquer, puis les autres, on va voir ce qui va se passer. Et c'est très... Les objectifs de l'opération initiale étaient quand même très... on pourrait dire humble, limité. C'est pas du tout ça qui va se passer parce que justement, l'urgence des blindés allemands qui vont arriver vers Dunkerque, ça va vraiment faire réagir le commandement britannique. Et de là, on va partir à OK, il faudrait accélérer le processus parce que là, on est en train de perdre. On va perdre tous nos hommes. Exactement. Ouais. Mais ça montre aussi l'objectif premier du 45 000 hommes que c'est pas gagné d'avance. Hein. C'est presque miraculeux parce que ce sera une grande réussite, cette opération-là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Au début de l'opération, et ça a beaucoup marqué les esprits, la priorité, parce que c'est l'évacuation dont il s'agit, on va chercher les hommes sur la plage de Dunkerque, la priorité est donnée aux soldats britanniques. Oui. Y a des Français aussi qui sont là, qui vont périr de leur vie aussi, beaucoup d'entre eux, plus que les Britanniques, de mémoire. Oui. Écoutez un extrait. Un des Français qui est sur cette plage-là, à ce moment-là, l'écrivain Robert Merle, qui est un évacué de Dunkerque, qui décrit en fait le supplice que vivent les soldats français qui sont, ils le savent, qui ne sont pas la priorité au début dans l'opération Dynamo. Extrait du documentaire de Daniel Costel, La bataille de France, diffusé à l'ORTF en 1974. On a dit souvent que c'était plutôt les Anglais qui étaient embarqués de préférence aux Français. Ici, c'est-à-dire, vous savez, alors là, il y a eu une petite amertume parce que quand les Français arrivaient à Bridune, ils avaient l'impression qu'ils étaient floués parce qu'ils ne pouvaient pas s'embarquer. Ils se mettaient dans des files et les Anglais leur disaient non, ici on n'embarque que des Anglais. Alors il y avait une certaine amertume, mais en réalité, les Français pouvaient s'embarquer à Dunkerque et à Malo. Et alors à Dunkerque, ils s'embarquaient que par unité constituée, avec tous leurs chefs. Or justement ici, les gens qui étaient là, les centaines de milliers d'hommes qui étaient là, n'avaient plus leur chef, n'avaient plus leurs armes, n'étaient plus disciplinés. Alors ils n'avaient donc aucune chance de s'embarquer là-bas. Alors ils restaient là en essayant, en espérant, etc. Ça devait être affreux dans tout ça. C'était kafkaïen parce qu'il y avait quelque chose d'absurde parce qu'en même temps il faisait très beau. Il faisait un temps absolument magnifique. Quelle horreur! On peut l'imaginer assez facilement, effectivement, Caroline Damour, pour ces soldats, les Français, qui ne peuvent pas partir au début, en tout cas, de l'opération, et qui sont prisonniers sur cette plage-là. Est-ce qu'il y en aura beaucoup de laissés pour compte? Quel sort, en fait, sera réservé aux soldats français qui sont à Dunkerque? Il y en a certains qu'on va réussir à rembarquer parce qu'on on a mentionné, dans les deux derniers jours de l'opération, on accorde finalement l'accès, parce qu'on a réussi à tout rembarquer, nos individus britanniques, on accorde enfin l'accès aux Français pour essayer de les rembarquer. Et Churchill va se battre pour ça. Oui, parce que Churchill, lui, il a besoin de la France. Ouais. Il a besoin des combattants qui soient présents. Donc, on veut rendre service à notre allié. Mm-hmm. Jusqu'à un certain point, on s'entend, mais on veut que la France reste dans le combat et on pense qu'on va pouvoir les aider d'une meilleure manière si on ramène leurs soldats. Le problème, c'est qu'au début, l'opération est pour les Britanniques et on veut sauver notre armée parce que l'armée britannique, elle n'est pas très grosse à l'époque et le peu qu'on a, on en a besoin pour, après ça, prendre l'expansion. Donc, c'est pour ça que les soldats français sont vraiment, l'extrait le laisse voir, on se sent comme des laissés pour compte. Ouais. Complètement. Mais au moins, à la fin, on va réussir à en sauver. Et à peu près tout. Et parlons encore une fois du sort qui sera réservé aux Français. Ils finiront par être évacués. Oui. Je le disais, il y a quand même plus de victimes, je pense, du côté français que du côté britannique. Tout à fait. Oui, oui. Au total, je pense que c'est 3 500 de Britanniques qui ont été tués, soit en mer, quoi que ce soit. Pour les Français, c'est 45 000. Oui, parce qu'ils restent là, eux, plus longtemps, en fait. Oui, tout à fait. Bien, c'est eux autres qui assurent le périmètre de défense de Dunkerque, parce que pendant que les Britanniques sont en train de se sauver, ils ne peuvent pas combattre à la fois. Là. Ouais. Alors, revenons à l'opération comme telle, à la manière dont va se faire cette opération-là. Ça commence le 26 mai 1940. Comment se déroule le début de l'opération Caroline D'Amour? Le début, c'est très... Comme on disait, on a des objectifs limités, donc le début est très lent. On commence le 26 et 27. On réussit à embarquer à peu près 8 000 soldats à ce moment-là. On se rend compte que ça va vraiment pas bien. C'est très peu. 8 000 soldats la première journée. Exactement, quand on avait un objectif de 45 000, qui était un objectif déjà limité. Donc là, on se rend compte que ça va pas bien. Et il faut réussir aussi à ramener plus de troupes vers Dunkerque, parce qu'on parlait de l'aviation allemande. Elle fait des ravages dans la campagne autour de Dunkerque. Elle empêche des troupes britanniques de revenir vers la ville. Donc, c'est un peu aussi ce qui explique la lenteur des opérations. Mais à partir du troisième jour, du 28 mai, on a un petit coup de pouce de la météo, mais on va réussir à, là, vraiment améliorer la vitesse. Et là, on part en grande, grande, grande vitesse. Le 28 mai, c'est 19 000 hommes qui part à évacuer. Le 29, 47 000, 68 000 le 31 mai. Et le 2 juin, on a réussi à évacuer près de 200 000 hommes. Ouais. Donc, ça va vraiment accélérer et c'est une espèce de coup de miracle. Puis on change un peu. Au début, on va aller chercher pratiquement sur la plage. Ça ne marche pas. Donc, on va changer un petit peu la façon de les... Oui, tout à fait, parce que qu'est-ce qui empêche jusqu'à certains points aussi, c'est le port a été détruit. Donc, comment accéder à nos hommes qui sont sur les plages? Donc, on va réussir à la longue à utiliser un brise-lames. Mm-hmm. Et certaines petites embarcations dont on a parlé qui vont venir aussi réussir à chercher sur les plages directement. Mais parlons-en de ces petites embarcations, parce que dans le souvenir, quand on évoque cette bataille de Dunkerque, souvent on lève notre chapeau à raison à cette armada d'embarcations privées, de petites embarcations. Churchill réquisitionne tout ce qui flotte dans la Manche à ce moment-là. Mais dans les faits, quel rôle jouent ces petites embarcations par rapport à la marine britannique? Il faut voir, il y a à peu près 700 petites embarcations qui vont répondre à l'appel de Churchill, mais sur le nombre de personnes qui vont être sauvées par ces embarcations-là va être de loin beaucoup plus restreint. La grande majorité, ça va être par les destroyers, par les navires de transport. C'est de l'ordre de 2/3 des rescapés qui vont passer par les plus gros navires. Mais c'est pour les Britanniques, c'est sûr que ça a une valeur de symbole parce que c'est une nation qui se mobilise et qui se sacrifie. Ce n'était pas à coup nul pour ces personnes-là de répondre à l'appel. Il y a des gens qui en sont morts. C'est le courage, en fait, je pense, qui est beaucoup salué quand on rappelle l'importance qu'ont eu ces petites embarcations. Revenons au déroulement de l'évacuation comme telle. À quoi ressemblent ces quelques jours d'évacuation pour ceux qui attendent d'être secourus sur la plage? On écoute à nouveau le témoignage de Robert Merle. Et là-dessus, il y avait les Stuka qui bombardaient. Ils ne bombardaient pas la plage, ils ne mitraillaient pas les hommes, mais ils bombardaient les bateaux. Alors ça, c'était affreux. Alors vous voyez les types, le bateau explosé, flambé, les types tombés à la mer, en face, là, ici exactement, à cet endroit-là. Il y a eu un gros bateau, un gros cargo anglais. Alors ce gros cargo s'est enflammé. Et tous les hommes étaient massés à l'arrière, n'osaient pas sauter parce que c'était très très haut sur l'eau, et en même temps, je crois, étaient à moitié asphyxiés déjà par, les, par la fumée, de sorte qu'on avait l'impression qu'ils allaient brûler vifs. Et en fait, il y en a eu beaucoup de brûlés. Alors il y en a qui se jetaient à l'eau, mais c'était pas profond là où le bateau s'était échoué. Alors ça faisait peur parce qu'ils se demandaient s'ils n'allaient pas se fracasser. Alors ils étaient pris entre le feu qui les dévorait et puis la perspective de cette chute vertigineuse avec peut-être la mort au bout. Alors les gars étaient couchés dans les dunes, ils étaient torse nus, ils étaient là, comme ça, et puis ils regardaient les combats aériens. Ouf. Alors ils applaudissaient. Ils applaudissaient. Ils disaient « Ouah, bravo !» Et puis ils applaudissaient comme un spectacle. C'est assez incroyable cette description. On voit très très bien ce que vivent ces hommes qui sont prisonniers sur cette plage, qui voient bien qu'il se passe quelque chose, qu'ils doivent prier le ciel pour que cette opération d'évacuation soit un succès. Elle va l'être, oui. Caroline Damour. Ce sera un succès, l'opération Dynamo. Ce qui n'empêche pas quand même qu'il y aura des pertes, des oui. pertes importantes du Tout côté des forces alliées. Quel bilan on peut faire de ces pertes-là? Bien, on a des pertes, oui, civiles. On a près de 1000 habitants de la ville de Dunkerque qui vont décéder. Mais on a aussi des pertes militaires, comme on a parlé des Français, on parle des Britanniques, on en a laissé quelques-uns, on en parle moins de ceux-là, mais il y en a quelques-uns aussi qui sont un peu plus à l'est, qui ont participé aux activités de défense. Mais c'est surtout en termes de matériel oui. qu'on va avoir des pertes incroyables. Je crois que c'est de l'ordre de 2500 canons, 64 000 véhicules, des blindés, des motocyclettes. En fait, l'armée britannique est dépouillée complètement ouais. de son matériel. Elle le laisse là, elle a priorisé ses hommes, ce qui est une bonne chose. Ben le oui. matériel, on peut le reconstruire, on peut en faire des nouveaux. On est dans l'urgence, de toute façon. Là. C'est sauf qui peut. C'est sauf qui peut, c'est ouais. vraiment la bonne expression, parce que on réalise que c'est la seule façon de continuer la guerre. Oui. Avec le recul, on le disait, c'était vraiment pas... L'objectif premier, c'est de ramener 45 000 hommes. C'est vraiment pas gagné d'avance, non. cette opération-là. Avec le recul, qu'est-ce qui peut expliquer que ça a été un succès, finalement? Il y a plusieurs choses. D'abord, on a eu une campagne autour de Dunkerque qui favorise la défense. C'est un terrain marécageux. Donc, les blindés, on ne veut pas nécessairement passer n'importe où parce qu'ils vont s'embourber et on va avoir la misère après à les remettre en marche. On a aussi les conditions météorologiques. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est le 28 mai. Pourquoi que le nombre augmente en flèche aussi à partir de là? C'est qu'il y a une tempête sur les Flandres, mais la mer est d'huile sur la Manche, qui est une situation extrêmement rare à ce qui paraît pour la Manche. Donc, ça facilite grandement parce que les avions de l'aviation allemande ne peuvent pas être dans le ciel, oui. ne peuvent pas attaquer. Alors que les bateaux circulent librement. Exactement. Donc, ça facilite énormément le passage. On décide ensuite d'aller plutôt que de faire des évacuations de jour, on va les faire de nuit. C'est que ça aussi, pour l'aviation, ils vont être beaucoup moins bien. Donc, ça va aider. On a aussi l'ordre du commandement allemand d'arrêter les blindés mm-hmm. le 24 mai. Et ça, c'est un grand mystère. On revient au début de l'émission. Tout à fait. On posait deux questions d'entrée de jeu. Pourquoi Hitler stoppe ses troupes alors que ça va très bien? Il les stoppe, là. Oui, complètement. Ils sont à 25 km de Dunkerque. Pourquoi? Donc, ça, un. Oui. Et l'autre, deuxième mystère très grand, un invité l'évoquait, un extrait qu'on entendait. Pourquoi l'armée allemande ne bombarde pas la plage où sont parqués ces centaines de milliers d'hommes? Ben, en fait, les deux questions se rejoignent. Oui. C'est ça qui est intéressant parce que c'est le maréchal Goering qui est en charge de la Luftwaffe, l'aviation allemande, qui dit à Hitler, je m'en charge, mon aviation va pouvoir s'occuper des hommes qui sont sur les plages ou les navires. Ne tiennent pas compte de, un, les Spitfire britanniques qui vont être présents, eux autres aussi, que même s'il y a des soldats qui sont un petit peu mécontents de la présence de l'aviation britannique, ils vont être présents, les Spitfire. Et l'autre chose qui va rejoindre l'ordre de Hitler, c'est que la percée allemande, elle est une surprise non seulement pour les Britanniques ben oui. et les Français, mais pour les Allemands, eux oui. autres aussi. Ils sont tellement choqués de la situation, qu'ils se disent « ça se peut pas, il y a un, on va se faire avoir. Donc, ils n'y croient pas eux-mêmes. Exactement. C'est incroyable. C'est là que ça fait, parce que le plan est très audacieux. Donc. Et quand Pierre Daninos, qu'on entendait au tout début, dit Hitler espère, au fond, se dit, ils vont signer, on va avoir une entente, un cessez-le-feu, une capitulation des Britanniques. C'est possible ou pas? C'est des scénarios qui ont été évoqués, mais de ce qu'on voit, il y a d'autres ordres qui ont été... Parce qu'il y a une armée qui continue, elle, à attaquer. Il y en a une autre qui arrête. Donc, il y a des choses qui font que ce raisonnement-là n'est pas toujours bien établi par les faits. Un tout petit mot sur... Parce qu'il y a un héros canadien dans cette bataille de Dunkerque. C'est le commandant James Campbell Clouston. Quel rôle il va jouer? Clouston est vraiment intéressant. Clouston, c'est un Canadien qui est né à Westmount, qui a grandi à Westmount et qui s'est engagé dans la marine britannique. Et cette personne-là va être en charge de l'évacuation sur les plages. C'est lui qui va avoir le rôle de diriger le trafic et qui va faire que ça va se faire dans la discipline. Parce que là, il faut penser, on a 200 000 hommes qui sont autour des plages et ils se font attaquer. Oui. Et il faut essayer de les amener tranquillement vers les bateaux. C'est quand même un succès. Juste ça, à ce moment-là. La bataille de Dunkerque, ce qui est fascinant aussi, quand on revoit ça avec du recul, c'est que c'est une opération de repli qui va se transformer en manière de grande victoire. Oui. Ce sera ça un peu qu'on en retiendra. Mais ça reste une défaite, cette affaire-là, au fond. Quel impact ça va avoir, cette bataille-là, pour la suite des choses? Pour la suite des choses, comme on a dit depuis le début, c'est que ça permet à l'Angleterre de repartir. Mais non seulement ça permet à l'Angleterre de continuer le combat, mais ça, utiliser une mauvaise expression, ça booste le moral de la population. On sent que tout le monde se serre les coudes parce qu'on est dans une situation de crise. Mais aussi, ça assure une certaine crédibilité de l'Angleterre pour essayer de se trouver des nouveaux partenaires. Parce que oui, on a le Commonwealth britannique avec nous, mais ça demeure que l'Angleterre est jusqu'à un certain point seule. Donc, il faut essayer d'avoir une crédibilité et ça va être fait avec les États-Unis. Et Churchill, il est lucide. Il se sert de cette réussite pour dire ça nous permet de continuer et ça nous engage presque. Il y a comme un devoir moral puisqu'on a réussi à ramener ces hommes. Il faut continuer. Mais il va dire aussi, attention, parce qu'il voit bien la réaction de la foule. Oui. On gagne pas une guerre avec des défaites. Là. Non, on ne peut pas être en train de retraiter et espérer gagner un conflit, surtout qu'on est sur une île. Il faut reprendre le pied sur un autre continent. Donc là, ça va être une chose qui est très difficile, mais on voit que Churchill est très, très lucide, comme vous l'avez dit, et réussit quand même à mousser le moral de de ses troupes et de sa nation derrière lui. Caroline Damour, chercheuse postdoctorale en histoire militaire canadienne à l'Université de Boston. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Tania Gancheva. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.